بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل في قراءتنا في هذا الكتاب المبادئ المفيدة لشيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. Donc on poursuit la lecture et le ta'liq yassir sur ce livre. فقال المؤلف حفظه الله تعالى: فإذا قيل لك ماذا تعتقد في القرآن الكريم الذي في المصحف، فقل أعتقد أنه كلام الله عز وجل ليس بمخلوق، والدليل قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. انتهى المراد. Donc il dit, dans la 37e question, si on te demande, que crois-tu, c'est-à-dire quelle est ta croyance, en ce qui concerne le Coran qui est rassemblé en livre. Hein, le noble Coran qui est rassemblé en livre. Alors dit, je crois fermement que c'est la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et qu'elle n'est pas créée. Et la preuve est la parole d'Allah dans le sens où il dit, et si un des associateurs te demande refuge, accorde-lui cela afin qu'il entende la parole d'Allah. Donc là, la mas'ala, c'est avoir pour croyance que le Coran, wa kalamullah, c'est la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Hada min sifatihi. Minhu bada'a wa lihi ya'ud. C'est de lui que le Coran vient et celui qui retournera. C'est-à-dire que celui qui vient, c'est-à-dire que le Coran vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il reviendra vers lui, c'est-à-dire avant l'heure, le Coran sera retiré et reviendra vers Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Wa min sifatihi. Parmi ses attributs. Car min sifatillah akalam. Parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, la parole. Et ce Coran est la parole d'Allah descendue par Jibril sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il nous est obligatoire de croire cela. Hatta min huna al-Qur'an min sifatillah, le Coran est parmi les attributs d'Allah, ce qui fait qu'il est permis de jurer par le Coran dans le sens de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et non pas par le livre en soi. Car ce qu'on appelle le mushaf c'est le livre. C'est-à-dire la couverture, avec les feuilles, avec l'encre, ce genre de choses, l'objet. Ça s'appelle un mushaf. Mais son contenu est la parole d'Allah. Et celle-ci n'est pas créée. Jurer par le mushaf, cela est interdit. Mais jurer par le Coran, avec l'intention de mettre que cela soit la parole d'Allah, cela est permis. Donc le Coran est la parole d'Allah. Parmi les preuves, il fut également rapporté selon le Tirmidhi, le hadith de Jabir, qui a été authentifié par Sheikh al-Albani, rahmallahu ta'ala, qu'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, يعني على الشاهد فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes Quraysh m'ont interdit, m'ont empêché de retransmettre la parole de mon Seigneur. يعني ils ont tenté de le faire. في الحقيقة ما استطاعوا. Ils n'ont pas pu. Mais ils ont essayé de le faire, d'empêcher le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de retransmettre la parole de son Seigneur. Donc ce hadith demande bien an uballigha kalam rabbi, la parole de mon Seigneur. Donc la parole d'Allah, on y croit. Quelle est la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, descendue sur Mohammed, descendue sur Mohammed. Et quelle est cette parole, on doit y croire fermement. Lettre pour lettre, mot pour mot, phrase pour phrase. Rien ne doit être rejeté. Wa qala l'imam Ahmed, rahmallahu ta'ala, man qala al-Qur'an makhlouqun, fa huwa indana kafir. Kama huwa manqul fi as-sunna li Abdillah ibn Ahmed, ibn Hanbal. L'imam Ahmed, il a dit que celui qui dit que le Coran est créé, pour nous c'est un kafir. Pour nous c'est un kafir. Et tout le monde connaît l'histoire de l'imam Ahmed, par rapport à ce qu'on appelle le Minha, qui fait son épreuve par rapport au Coran, à son époque où les gouverneurs se furent trompés par des gens qui imposèrent aux autres de dire que le Coran n'était pas créé. Donc de là, ils se sont mis à éprouver et à tester les gens de science afin de savoir qu'est-ce qu'ils vont dire. Certains d'eux ont été menacés de perdre leur salaire, car beaucoup prenaient leur salaire depuis le gouvernement. D'autres ont été menacés de torture, d'exil, ou même d'être tués. Parmi eux, beaucoup furent contraints de dire la parole qui était inexacte, par peur, et non pas par croyance, par peur de ne pouvoir supporter l'épreuve. D'autres ont fait, comme on dit, des tauriya, c'est-à-dire une chose qui apparaît comme un mensonge, mais en réalité qui est réelle. Comme il fut rapporté l'un des savants, qui fut interrogé, est-ce que le Coran est la parole d'Allah? Il leva sa main et dit, « Hiya makhlouqa. » Et lui avait pour intention de dire que sa main était créée. Mais celui qui l'écoute pense qu'il répond à la question en disant que le Coran est créé. Par exemple, ce genre de procédé, pour pouvoir se débarrasser justement de l'épreuve qu'il craignent d'endurer. Et l'imam Ahmed fut l'un des seuls, avec peut-être deux ou trois autres savants, ou peut-être moins que cela, à avoir répondu clairement, à avoir fait face, et avoir tenu. Et il fut pour cela torturé, comme cela est connu. Il fut cela gelé et emprisonné. Malgré cela, il a fait face à l'épreuve, bi'idnillahi ta'ala. Et même de là, des ulama dire que l'islam fut sauvé deux fois, une fois par la cause d'Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, face aux murtaddin, ceux qui ne voulaient pas payer la zakat, après la mort du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et deuxième, par cette épreuve de l'imam Ahmed, lorsqu'il fut dit, il fut imposé aux gens de dire que le Coran était créé. Donc cette épreuve fut immense et fut une leçon pour tous par la suite. De là, l'imam Ahmed, même malgré son grand niveau de science, fut surnommé comme étant Imam al-Sunnah, c'est-à-dire à son époque. Car le vrai Imam al-Sunnah, c'est le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Yani mutlaqan. L'imam Ahmed, de son époque jusqu'à ceux d'après lui, considéré comme étant l'imam des gens de la Sunnah. Cela ne veut pas dire qu'il est meilleur que les Sahaba. Sûrement pas. Les Sahaba sont les meilleurs hommes après les Anbiya. Mais par rapport aux imams, par rapport à l'épreuve qu'il a endurée, il lui fut attribué ses laqab. Et par rapport aussi à la grande science qu'il avait, bien évidemment, et les efforts qu'il a fournis dans la propagation de l'islam et sa défense. Rahimallahu ta'ala. Donc il nous revient de croire que le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Purement et inaltéré. Comme le Coran ta'ala, Inna nahnu nazzalna al-zikr wa inna nahnu lahafizun. Certes, c'est nous qui avons fait descendre le rappel, c'est le Coran, et c'est nous qui en sommes protecteurs. Le Coran est intouché. Contrairement à ce que disent certains déviés parmi les Shia, les chiites, et les Rafida, qui eux, soi-disant, auraient le Coran Fatimiya, le Coran de Fatima, le Mus'haf de Fatima, avec des sourates en plus, disant que le Mus'haf que nous avons, et il manque dedans des sourates. Et cela est un mensonge pur. Et cela est de la mécréance. Car cela reviendrait à démentir justement le verset cité précédemment, que Allah protège son livre. Maintenant, par rapport à la mécréance de celui qui ne voit pas que le Coran est la parole d'Allah, on a expliqué hier qu'il se peut que le verset n'ait pas été assimilé pour cette personne-là. Car il y a des choses qui sont attribuées à Allah, idafatan, des choses sont attribuées à Allah car ils sont des attributs d'Allah. Et d'autres choses sont attribuées à Allah par noblesse pour ces choses-là. Par exemple, on dit Saifullah, l'épée d'Allah. Ou Naqatullah, la chamelle d'Allah. Est-ce que cela veut dire que Allah a une épée? Non. Est-ce que cela veut dire que Allah, parmi ses attributs, il a une chamelle? Non. Les choses qui sont indépendantes d'elles par elles-mêmes, c'est des choses vivantes d'elles-mêmes. Lorsqu'on les attribue à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est par noblesse. Pour dire que cette chose-là est spécifiquement liée à Allah. Comme Baytullah, la Kaaba, la Mizallah. Pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus des cieux, il n'a pas de maison. Mais pour dire que cette chose-là est anoblie et revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, les choses qui sont, elles, à la base, liées à autre chose, comme étant justement une caractéristique ou autre, cela revient à attribuer un attribut à Allah. Comme Kalamullah, Rahmatullah, Waghayri Dhalika. La parole d'Allah, la miséricorde d'Allah, Ilmullah, la science d'Allah, Waghayri Dhalika. Là, c'est lorsqu'on fait cela, on attribue une caractéristique, un attribut à celui à qui elle revient. Ça, c'est un bête, bien dit, à voir dans des couteaux bien dit, plus larges. Et c'est une chose sur laquelle des gens peuvent avoir une ambiguïté, ne pas comprendre. Ils disent, comme on dit Kalamullah, c'est la parole d'Allah, c'est un attribut, et on dit Saifullah, on dit que c'est pas un attribut. Je ne comprends pas. Donc, faut expliquer. Donc là, ça revient à ce qu'on disait hier, il faut un bayen. Il faut un bayen à la personne afin qu'elle comprenne. Et une fois que le bayen a été fait, comme il se doit, la personne n'a pas le droit de rejeter cela. Naam. ثم قال المؤلف حفظه الله تعالى فإذا قيل لك هل القرآن عربي أم أعجمي فقل هو عربي والدليل قول الله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وقوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. Donc 38e question, si on te demande est-ce que le Coran est en arabe ou en autre langue, une langue non arabe? Dit, il est en arabe. Et la preuve est la parole d'Allah dans le sens où il dit, nous en avons fait un Coran en arabe afin que vous réfléchissiez. Et sa parole, dans le sens, l'esprit de confiance, c'est-à-dire Jibril, est descendu avec le Coran sur ton cœur afin que tu sois parmi les avertisseurs en langue arabe claire. Donc le Coran, il est en langue arabe. Lorsque Allah dans le Coran, dans son livre, dit de le lire et de méditer, et les récompenses qui en viennent pour celui qui lit chaque lettre, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, li kulli harfin ashara, wa la akul alif la mim harf bel alif harf, wa lam harf, wa mim harf. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que pour chaque lettre prononcée, c'est dit hasanat. Et il a dit, je ne dis pas que alif la mim sont une lettre, mais je dis que alif est une lettre. Lem est une lettre et Mim est une lettre. Chaque lettre prononcée te vaut 10 hasanat. Ces lettres prononcées sont celles qui sont en arabe. Lire, comme on dit, la traduction des sens rapprochés qu'on a en français, par exemple, n'apporte pas la récompense de la lecture. Sûrement pas. Cela ne veut pas dire qu'il faut délaisser pour autant, car c'est un sens relatif et rapproché des sens déversés. Celui qui ne comprend pas l'arabe, cela est toujours... Un minimum qu'il puisse faire, c'est de lire dans la langue qu'il parle, afin de comprendre un minimum ce qui est attendu de lui. Il y a des choses, même en français ou en anglais, ou en espagnol, ou en différentes langues, arjamiya, certaines choses peuvent être comprises. Des ordres peuvent être compris. Des interdits également. Adorer Allah et ne associer à rien, comme on l'avait dit hier. Les versets sont clairs. Donc, quoi qu'il en soit, la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, on ne dit pas le Coran en parlant que le verset, le mushaf contenant la traduction relative et rapprochée des sens. On n'appelle pas ça le Coran. Le Coran, wa kalamullah, wa bi, al-lugha, al-arabiyya. C'est la parole d'Allah en langue arabe. La plus belle des langues, la plus vaste des langues, et la plus éloquente des langues. Et arjami, quand on dit arabi et arjami, arabi c'est l'arabe. Et à la base, chez les anciens, l'arabe était celui justement qui parlait l'arabe parfaitement. Et le Arjami, celui qui ne parlait pas l'arabe, ou très mal. Cela dépassait ce qu'on appelle la race. Cela revenait à la langue. Comme ce fut le cas, par exemple, de Ismaïl alayhi salam, fils de Ibrahim alayhi salam, qui à la base n'était pas un arabe. Mais il a vécu au milieu des arabes et a appris leur langue. Donc de là, Sto'riba, il a été rendu arabe. Par sa maîtrise de la langue et du fait qu'il ait vécu avec ses peuples. Et quand les gens ne parlent pas bien la langue arabe, on les appelle arjami, même s'ils sont des vrais arabes d'origine, de par la race. Avant, s'ils ne parlaient pas la langue arabe comme il se doit, on les appelait arjamiyin. Donc le Coran est en langue arabe et non pas en autre langue. Tout ce qui est arjami, c'est tout ce qui est non arabe. Comme on vient d'expliquer, c'est non arabe. Donc ce Coran également a été descendu par Jibril alayhi salam sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Mohammed était parmi les Arabes. Donc comment pourrait-il retransmettre le message à son peuple par autre que la langue que ceux qui comprennent et qu'il parle? Et de plus, cette langue, dans sa forte éloquence, pour ceux qui la comprennent bien, est un dalil qui démontre que le Coran n'est pas une parole humaine, car l'éloquence qui s'y trouve sont beaucoup trop forts pour l'être humain. Et cela est parmi les miracles du Coran. Beaucoup de NBA, des prophètes, sont venus, comme les savants le disent, avec des miracles. Ou tous avec des miracles, plutôt. Mais des miracles qui sont liés beaucoup à leur époque, afin de convaincre les gens de leur véracité. Par exemple, Moussa alayhi salam, à son époque, la chose qui était la plus grandiose aux yeux des gens, c'était la sorcellerie. Comme ce fut le cas avec Pharaon et les sorciers. Donc, Moussa alayhi salam est venu avec des miracles qui remettaient, qui faisaient comprendre le sorcier que ce qu'il faisait comme chose n'était pas de lui, n'était pas de la sorcellerie. Ce qu'il faisait était impossible à faire humainement, comme le fait de mettre le bâton en serpent, ou de sortir la main resplendissante blanche et lumineuse. Vous relevez les cas. Des choses que les sorciers eux-mêmes, qui étaient parmi les plus grands sorciers, dirent que cela n'est pas humain. Donc des miracles. À l'époque de Isa alayhi salam, les choses qui étaient les plus grandes aux yeux des gens, c'était la médecine. D'où les miracles accomplis par Isa alayhi salam, bi'iznillah, comme le fait de redonner la vie aux morts, ou de guérir les malades. Les gens disaient, ce n'est pas de la médecine, ce n'est pas un médecin. Ce qu'il fait, c'est une chose qui n'est pas humaine. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parmi les miracles qui lui ont été accordés, le Coran, car à son époque, les Arabes étaient des gens très éloquents. Ils respectaient énormément les gens qui parlaient bien. Donc le Coran est venu, et lorsqu'il parlait Mohammed, il disait que ce n'est pas une parole humaine, également. C'est pour ça que dans le Coran, Allah, plusieurs reprises, a défié les gens de venir avec ne serait-ce qu'une seule sourate, ne voir même qu'un seul verset. Cela n'est pas possible pour l'être humain. Et de plus, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, était illettré. Il ne savait ni lire ni écrire. Donc le Coran est en arabe. À bien comprendre cela, le Coran est en arabe. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala est en arabe. Naam. ثم قال المؤلف حفظه الله تعالى فإذا قيل لك هل لله أسماء وصفات فقل نعم لو أسماء وصفات تليق بجلاله والدليل قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وقوله تعالى ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم وقال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وفي الصحيحين من حديث عائشة أن رجلا قال لأنها صفات الرحمن فأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك وأسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد معلوم لنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أخرجه مسلم من حديث عائشة. Donc si on te demande, qui elle est la 39e question. Si on te demande, est-ce que Allah possède des noms et attributs? Dis, oui, il possède des noms et attributs correspondant à sa grandeur, subhanahu wa ta'ala. Et la preuve est la parole d'Allah, à Allah appartiennent les plus beaux noms. Alors invoquez-le par eux. Et sa parole dans le sens où il dit, à Allah l'attribut le plus élevé, il est le puissant, le sage. Et il dit, subhanahu, dans le sens, dit, il est Allah l'unique, Allah celui qui n'a pas besoin, ou qui n'a besoin de rien, alors que tout a besoin de lui. Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré, et rien ne lui est égal. Et dans les deux autres sahih, selon Aïcha, radiallahu anha, qu'un homme ait dit, c'est-à-dire en parlant de sourate Al-Ikhlas, qu'il a lisé à chaque fois, car elle est cette sourate, l'attribut du tout miséricordieux. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, approuva cela. Et les noms d'Allah ne sont pas délimités par un nombre qui nous est connu, d'après la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, je ne peux dénombrer tes louanges ni qui te concernent. Je ne peux dénombrer tes louanges qui te concernent. Rapporté par Muslim selon Aïcha. Donc là, c'est un sujet important. Que Allah subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur, notre adoré, notre Créateur, a des noms, les plus beaux noms, parfaits, et des attributs. Qu'il n'existe pas une chose sans qu'elle n'ait des attributs. Ce n'est pas possible. Sans quoi, il s'agirait du néant. Une chose qui est indescriptible, qu'on ne peut donner aucun attribut, ça s'appelle le néant. Une chose qui n'existe pas. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, ses attributs, ne lui reviennent qu'à lui. Il ne revient pas d'attribuer ce qui revient à Allah comme nous l'attribue autre que lui, cela serait du shirk. Cela serait du shirk. Quant à sa parole, dans le hadith rapporté par Aïcha selon Muslim de cet homme qui lisait Surat al-Ikhlas après chaque surat dans le Coran, dans la salat. Cela également, tambih, ne veut pas dire que c'est une sunna de faire cela. Car ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a fait et ni les sahabas ne l'ont fait. Juste, il lui a autorisé à faire cela. Ne pas dire c'est une sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a autorisé à faire cela. Car si jamais ça avait été une sunna, il n'aurait pas demandé pourquoi tu fais cela. Et cela n'aura pas été réprimandé par les autres sahabas. Mais lorsque cet homme lui a donné la raison pour laquelle il agit de la sorte, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a approuvé. En disant, alors continue. Dans le sens, ce que tu fais, tu as une bonne niya, tu peux le faire. Il lui a autorisé. Mais ce n'est pas pour autant qu'il a, par la suite, émis derrière cela une récompense à celui qui agirait de la sorte. Et lui ne l'a pas fait, et les sahabas également, après sa mort, sallallahu alayhi wa sallam, n'ont pas agi de la sorte. Ça aurait été une sunna, il l'aurait fait. Ça aurait été rapporté que certains d'entre eux l'ont fait. Naam. Donc c'était une approbation, comme nous l'a fait profiter Cheikh Fath al-Qadassi. Dans les aksam de la sunna, dans les catégories de sunna, parmi elles, al-taqririya, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam approuve. Donc elle ne peut pas dire que c'est une sunna, en soi. Mais c'est une chose qui était permise. Donc le bab des asma wa sifat est un sujet qui est très large. Très très large. Et extrêmement important à connaître. Il y a des règles. Savoir comment reconnaître le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, ses attributs. Comment comprendre que des noms, ces noms ne sont que à lui et pourtant on peut les retrouver chez les créatures parfois. Ça ce sont des règles, inshallah, qui sont à prendre dans d'autres kutub comme Al-Qawaid al-Musla, Aulumat al-Irtiqad, wa Al-Aqidah al-Wasatiya, والتحاوية والتدمورية وذلك من كتب العقيدة المعروفة. Et là, on n'est pas là pour s'étaler sur le sujet, mais juste faire savoir que Allah subhanahu wa ta'ala a des noms et attributs. Avec quelques fawaid qui vont avec. Tayyib. En ce qui concerne le nombre de noms d'Allah, lorsqu'il dit que ces noms sont d'un nom qui nous est inconnu. Car il y a un hadith qui dit إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ إِسْمًا مَنْ حَفِظَهَا وَمَنْ أَحْصَاهَا وَحْفِظَهَا دَخَلَ الْجَنَّةِ. Que Allah, subhanahu wa ta'ala, certes, il y a 99 prénoms pour Allah, celui qui les mémorise et les dénombre, il entrera au paradis. Ce hadith a été très mal compris par beaucoup de gens. Et on en déduit que les noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala, étaient réduits à ce nombre, 99. Et ça, c'est une compréhension qui est fausse. Le hadith ne veut pas dire cela. Comme ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى dans différentes de ses kutub, il dit le hadith أن من أسماء الله 99 اسما. Là, on dirait que certes, parmi les noms d'Allah, il y en a 99. Et non pas Allah a 99 noms, c'est tout. C'est comme si demain tu dis, demain par exemple, l'exemple qu'il donne, dans ta poche tu as de l'argent. Tu as par exemple, dans ta poche tu as 500 euros. Après tu dis, certes, j'ai dans ma poche une somme de 200 euros, celui qui la trouve, elle est à lui. Cette parole-là de toi ne veut pas dire que tu n'as que 200 euros en toi, dans ta poche. Cependant, celui qui trouve cette somme de 200 euros, elle lui revient. Mais est-ce que cela veut dire que tu n'as pas 300 euros qui restent derrière? Tu as peut-être 300 euros qui restent derrière. Seulement toi, tu vises pour les gens ces 200 euros-là seulement. Que celui qui les trouve, ils sont à lui. Mathalan. Et le hadith vient dans ce sens-là. Car Allah n'a pas dit « Innama lillahi tis'atun wa tis'atun wa tis'una isman ». Il n'a pas limité ce nom à ce nombre-là. Il n'a pas dit « Allah a seulement 99 noms ». Mais seulement, il a dit « Il a certes 99 noms ». Celui qui les trouve, ou du moins celui qui les mémorise, entrera au paradis. Cela n'empêche pas qu'il y ait d'autres noms par la suite. Mais celui qui trouve ces 99-là, en soi, les apprend, les comprend, lui aura la récompense de rentrer au paradis. Donc le hadith, c'est bien comprendre. Et d'autres adillas sont venus démontrer que Allah subhanahu wa ta'ala a plus que 99 noms. Comme celui que le shir a cité là, dans son livre, des choses à savoir, concernant les noms et les attributs. Que les noms et attributs, il faut y croire comme ils sont venus dans leur apparence. Sans chercher un comment, ni interpréter, ni à comparer, ni les supprimer. Tous ces noms et attributs sont parfaits. Et sont les plus beaux. Il n'y a aucun défaut. Ils ne contiennent aucun défaut. Et ce qui pourrait paraître comme étant un défaut à nos yeux ne l'est pas. Et on ne peut comparer les attributs d'Allah et ses noms à ceux de la créature. Comme a dit Ta'ala, « Laysa ka mithlihi shay wa huwa as-sami' al-basir » Que rien ne lui semblable, il est certes parfaitement audient et le clairvoyant. Il voit tout, il entend tout. Et il a bien dit au début, rien n'est comme lui. Rien n'est comme lui. Et les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sont des noms propres par lesquels on le reconnaît et également ce sont des descriptifs. C'est-à-dire chaque nom d'Allah subhanahu wa ta'ala inclut l'attribut qui va avec. Ce n'est pas un simple prénom comme ce l'est pour la créature. Par exemple, demain quelqu'un il s'appelle Salih, c'est-à-dire pieux. Et pourtant, c'est un fajir. Il va être un pervers, un débauché. Mais son prénom, quand on dit Salih, ensuite qui on parle? Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, ses prénoms, ou ses plus beaux noms, démontrent son existence et sa présence, mais également ont un sens, qui lui reviennent parfaitement. Par exemple, As-Sami'a. As-Sami'a min Asma'illah, celui qui entend tout. Donc lorsqu'on dit As-Sami'a, on sait qu'on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en plus de cela, on sait qu'Allah, ce nom inclut qu'il entend tout. Al-Basir, le clairvoyant, pareillement. Al-Qadir, l'omnipotent, pareillement. Al-Alim, l'omniscient, pareillement. Wa'akada. Donc là, c'est un bab qui est assez large. Et on va se contenter de cela, Inch'Allah, par rapport à ce cours, en espérant qu'Allah nous facilite par la suite de pouvoir entreprendre l'étude de livres plus approfondis et plus élargis sur le sujet. Donc les trois masselles qu'on a pris aujourd'hui. Que, awalen, le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qu'on appelle le mushaf, c'est le livre qui contient les pages, l'encre et la couverture. Ça, c'est un objet. Ça s'appelle le mushaf. Le Coran, c'est la parole d'Allah, c'est un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a appris également que le Coran est en langue arabe et non pas en langue non arabe. Et on a appris que Allah subhanahu wa ta'ala a des noms et attributs. Comme j'ai dit, je ne m'attarde pas trop sur le sujet, car à la base, ce livre a été écrit pour, surtout, les enfants et les débutants. On pourrait faire une explication extrêmement large et beaucoup plus riche de ce livre, bien évidemment. Mais là, n'a pas été le but de l'auteur. Le but de l'auteur, surtout, c'était de comprendre les sens du texte, la question, la réponse et dalil. Que tu saches. Wallazi. Celui qui juste déjà se limite à comprendre la question, à comprendre la réponse, et qui mémorise le dalil, c'est un grand khayr. Énorme. Un grand khayr. Naam. Fabi hadan aktafi, wa nakul, alhamdulillah rabbil alamin.